Jésus. C'est seul bon Dieu moi. Moi adoré au Jésus parce que c'est seul sauveur moi. Moi adoré au Jésus parce que c'est seul roi pour moi. Moi adoré au Jésus parce que vous t'es mouru pour moi. Yo t'es accusé pour moi. Yo t'es arrêté pour moi. Yo t'es ligoté pour moi. Yo t'es piétiné pour moi. Yo t'es humilié ou pour moi. Yo t'es condamné ou pour moi. Yo t'es sacrifié ou pour moi. Pour ça, yo me décidé à adorer. Because you are my only God. I worship you, Jesus, because you are my Savior. I worship you, Jesus, because you are my only King. I worship you, Jesus, because you died for me. You have been there for me, arrested for me, mistreated for me, trampled for me, humiliated for me, sentenced for me, crucified for me. For that I worship you, Jesus. Parole céleste, c'est parole Christ là. L'ennemi a fait complot. Les amis a fait magie. L'ennemi a tant pelé. Les amis a parlé mal. L'ennemi a fait complot. Les amis a fait magie. L'ennemi a tant parlé, moi-même m'a adoré. Zami a parlé mal, moi-même m'a adoré. Yo m'at fait ça yo vle, moi-même m'a adoré. M'a adoré au chaque jour, moi-même m'a adoré. Yo m'at dit ça yo vle, moi-même m'a adoré. M'a adoré. C'est parole Paul, c'est parole nous tous.